quero ficar. The land. land of the red dragon. Train of thoughts flow to my imagination. I hope of other stations. Railway takes me far beyond the onset. non, je vivrai sans frein pour toi. Un instant, 50 ans, tu verras. S'asseoir et attendre comme ça tout le temps. Vous verrez qu'il n'y a rien à voir et que seul s'écoule le temps. On peut bien désirer vouloir et comme ça en parler tout le temps. Mais en vrai, il serait illusoire d'espérer autre chose que du vent. On peut bien s'enfermer dans le noir et attendre qu'il fasse beau temps. Mais les yeux derrière des lunettes noires, c'est le gris qui domine souvent. s'assoit et attendre comme ça tout le temps. Vous verrez qu'il n'y a rien à voir et que seul s'écoule le temps. On veut bien désirer vouloir et comme ça en parler tout le temps. Mais en vrai, il serait illusoire d'espérer autre chose que du vent. On veut bien s'enfermer dans le noir et attendre qu'il passe le beau temps. Mais les yeux derrière des lunettes noires, c'est le vide qui domine souvent. On voudrait bien refaire nos histoires, les fermer les moins grises qu'avant. Les couleurs ont terni, c'est bizarre, comme des lames le passage du temps. On voudrait refaire naître l'espoir, s'enivrer de la vie plus souvent. Mais la peur nous fait mettre en retard, et on court et on perd notre temps. On devrait retrouver des regards plus brillants que celui des enfants. Si l'envie nous rattrape plus tard, on s'en fout, profitons du moment. Venus d'ailleurs, ainsi que de mystérieux pouvoirs. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a torturing our lives that we can't, that we can do what we want to realize. I clearly feel what you want from me, from me. There's no longer time to believe in me, in me. I'm gonna wake up and wake up and wake up. Everybody's down. You think you're safe, but you know what? People don't really die. Don't be afraid to lose. You're gonna win. I better be fine. I saw my thing. You don't want to see me win. So pretty boy, just stand. Stay out the loop. Got no time to make me feel I'm sorry. Even if I cry, I'm gonna fight to see what story. Wanna dream bigger than bigger, cause I'm not your fool. I clearly saw a villain to you, to you. I'm gonna wake up and wake up and wake up. Everybody's down. You think you're safe, but you know what? People don't really die. Don't be afraid to lose. You're gonna win. I better be fine. I saw my thing. You don't want to see me.

Quand j'ai mon front qui s'agrandit, je ne compte plus mes cheveux gris. Que si je me souviens vaguement, mais sûr que c'était mieux avant. Comme parfois je cherche mes mots, que trois marches c'est déjà trop haut. Attends deux secondes, je fais une pause. Je sens ma jambe qui s'ankylose. Tête ou dans les yeux, je redouble les années qui passent, mais il faut bien que je m'y fasse. Et tu me dis que je radote, je ne cesse de te dire qu'à l'époque, je tenais bien plus en soirée. Je disais pas, je rentre, je suis crevé. Quand je raconte un souvenir, que mon pote se met à en rire, il dit qu'il est trop jeune pour ça, et que j'ai le seum, mais je comprends pas. Dis, à partir de quand on est vieux, est-ce dans la tête ou dans les yeux, je redouble les années. Avec moi, tu me dis que je m'inquiète pour rien, que le temps joue et fait de moi comme un bon vin. Tu me trouves toujours séduisant et d'un clin d'œil, tu me glisses. J'ai encore de l'endurance. Dis, à partir de quand on est vieux, est-ce dans la tête ou dans les yeux? Je redoute les années qui passent, mais il faut bien que je m'y fasse. Sur une prise chronologique, le temps me grise et me panique. Ça me rassure même un peu parfois, que tu puisses venir avec moi. Bonsoir les amis de Radio Arc-en-Ciel, merci d'écouter la radio, hein. Le vendredi soir à partir de 19h, c'est l'émission Mavrika. On est déjà ensemble depuis quelques temps, mais je fais des petites émissions, des summer émissions, on va dire ça comme ça, Mavrika. Donc je vais parler le moins possible, juste vous présenter un petit peu les artistes que nous diffusons dans l'émission Mavrika. Alors quelle est la particularité de l'émission Mavrika? C'est justement qu'elle reçoit des invités pratiquement toutes les semaines, ce qui n'est pas le cas actuellement puisque c'est un petit peu les vacances, un petit peu l'été, c'est un petit peu compliqué. Au mois de septembre, je pars en vacances, donc là il n'y aura pas non plus d'invités. Et au mois d'octobre, il y aura aussi les travaux sur dans le studio de Radio Arc-en-Ciel, donc on aura un studio tout neuf, super impeccable pour partir voilà dans de nouvelles aventures. Et donc c'est pas évident de programmer des artistes. Alors vous êtes déjà nombreux à vous mettre sur la liste pour venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Je sais que je peux compter sur les artistes de la région orléanaise et d'ailleurs pour venir passer un moment avec moi. Mais actuellement, donc j'ai juste prévu pour le 1er septembre notre ami Alex Lebaille, voilà, parce qu'il a de l'actualité, il a pas mal de choses à nous raconter. Et après, donc je serai en vacances et tout ça, ça va être un petit peu compliqué. En attendant, on va continuer à faire des émissions summer émissions, hein, de Mavrika. Aujourd'hui c'est l'édition numéro 564 et on vient d'écouter notre ami Mourad qui dit à partir de quand on est vieux. Bah lui il peut se rassurer, il est encore tout jeune dans sa tête et ça c'est certain. On a commencé l'émission avec Yavanna et un titre qu'on écoute régulièrement dans l'émission Mavrika qui s'appelle Reste. Angéline Annonier qui est venue il y a quelques temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Elle est déjà venue à deux reprises hein, et j'espère qu'elle reviendra très prochainement parce qu'elle est toujours la bienvenue. Hein. Le titre qu'on a écouté d'elle, c'est Shanghai, voilà. On a écouté aussi Alex Lebaille, justement on parlait de lui, avec le nouveau titre qui s'appelle Je me défends. Clem Chouteau avec Tes yeux se posent sur moi. David McLean avec Tout changer. Voilà, il y en a qui veulent tout changer, il y en a qui veulent tout garder. Donc c'est pas toujours évident, c'est discutable. Et puis suivant les humeurs aussi, on a envie des fois de tout changer, puis d'autres fois de dire finalement c'était pas si mal que ça avant. Mais Yves Vallée avec une reprise qui s'appelle Beach. The Patient avec Pretty Boy. Radio Charlie avec Stay Where You Are, restez où vous êtes. Donc si vous êtes en vacances, restez-y le plus longtemps possible, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Et à l'instant, on a écouté aussi un groupe qui s'appelle Heavy Bird, que nous avons reçu ici. Bon, le groupe Heavy Bird, c'est un groupe éphémère. Donc le groupe n'existe plus sous la même formation, hein, mais j'espère qu'il y en a d'autres qui ont pris le relais, puisque c'est un groupe qui est composé avec des musiciens de la base de Brissy, tout simplement. Donc c'est pour ça, Heavy Bird, ça a une petite référence avec les gros avions qu'on voit décoller au-dessus de la région orléanaise et qui vont dans le monde entier. Voilà, on va continuer tout à l'heure avec un groupe que nous avons reçu une fois. Je sais que la formation a changé, ils ont demandé à revenir. Pour l'instant, on va essayer de les caler assez rapidement. C'est le groupe 41, et le morceau qu'on va écouter, c'est Give Me One More Shot Back to USSR. Voilà, c'est un nom qui est un petit peu compliqué, mais enfin, j'ai réussi à me le dire à peu près bien. Juste après, ça sera Wolves avec Esprit d'Escalier, et après Inner World avec le groupe Orpheum Black. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, on est ensemble jusqu'à 22h. Restez tuned, comme on dit en anglais. Oh, passé, le prochain plaît satisfait, scénario sans cesse repassé, l'espoir semble nous acquitter, semble nous acquitter. Thank you. Excellent soir. sûrement reconnu la voix de Miss Grad Co avec un titre qui s'appelle Disrespect. Je savais que j'allais me fouiller dessus. Disrespectful. Voilà, j'ai quand même réussi à le dire. Juste avant, c'était une version slow version, on va dire ça en anglais, du titre des Beatles qui s'appelle toujours Help. Et c'était le groupe Odeon qui l'interprétait. Tout à l'heure, nous avons aussi parlé de 41 avec un titre qui était très long. En vérité, c'était deux titres à la suite. Hein, c'était Gimme More, One More et Shot, et aussi Back to USSR. Voilà, deux morceaux de 41 tout à l'heure. Nous avons écouté Esprit d'escalier avec Wolves. Donc c'était un titre, comme le nom l'indique pas, c'était un titre en français. Ça parle des loups, hein, tout simplement. Hein. Et Orphan Black avec Inner World. Les Fool System avec Oasis. Scarlet Blacks avec Excès d'un soir. Et juste après Miss Grad & Co, nous allons écouter un groupe que j'aime beaucoup et que vous connaissez sûrement. Il s'agit du groupe Burning Head. Le morceau, c'est une reprise d'un autre groupe anglais qui s'appelait XTC et ça s'appelle Making Plans for Nigel. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Maureka. We'll be right back. excellent souvenir, le groupe Les Civils Radio, c'était dans les années 80 dans la région arléanaise, un groupe qui avait marché super bien, hein, donc, et le titre qu'on vient d'écouter s'appelle le 404, superbe souvenir. Juste avant, c'était les Burning Heads avec Making Plans for Nigel, et juste après, on va écouter le groupe Yeti avec un morceau que j'aime beaucoup, et c'est souvent celui que je vous passe dans l'émission Mareka, il s'agit de The Maze. Et juste après, ce sera le groupe RNC's. Come on. Allez, allez, on essaye. Allez, c'est parti. À force de se voir, on se voyait plus. À tant vouloir y croire, on n'y croyait plus. Et ne me laisse pas. N'a plus de mur. Oh. enfermée. Le seul objectif, épargner. Rien dépenser, tout conserver. Une folle et unique passion, aucune autre transaction que l'argent comptant pour au moins 100 ans. La passion est ton ivresse, c'est ton pognon et ta colle d'express, la plus grande des déesses. Ta vie, sillonner de grands déserts, financer, construire des puits. Et ce putain d'hélicoptère qui s'est crashé au Mali. Un chanteur avec un cœur, c'était ton état d'esprit. Engagé pendant des heures aux côtés des malotis, abreuvé de ton amour, un continent qui depuis pleure pour te voir de retour, mais aussi implore la pluie. Daniel, ton nom résonne jusqu'au Sahel. Avec ton ami Thierry, la paix de ta famille et puis la haine que j'ai depuis que t'as perdu la vie. Daniel, tes chansons sont des pavés. Éternel, l'image d'un homme engagé. On t'aime, et ça rien ne pourra le changer. Cruel, et le destin qui t'a frappé. La sécheresse d'un continent aura mouillé tous les yeux d'un bon nombre de ses enfants quand tu nous as dit adieu. Jérémy n'avait qu'un an, son cœur s'est fendu en deux. Que tu nous aies tous quittés. La chaleur de tes bras vont beaucoup lui manquer. Toutes tes chansons et tes photos ne pourront rien y changer.

excellent souvenir. Donc Eric Thorel avec David McLean à la guitare, Morgane de Toi, c'était un live de l'émission numéro 129. On va continuer avec les lives de l'émission Marika. Dans l'émission numéro 156, nous avions reçu les Maux de Tête et je vais vous faire écouter une chanson, une reprise de Lily Ortega qui s'appelle Jimmy Dean. Juste après, ce sera les Sukhoi Fever avec Freaky Friend et c'est le live numéro 164. Reflective, but I'm done. you day I'm up and then it's over. This is on my quiet head. Come out anyway. Just a wet out of time. Day is not a dream. Do you get on a picture? I know my seem peculiar. Giving time. Was waiting all of this time. D'écouter des enregistrements qui ont été faits dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec des artistes en direct. Hein. Vraiment, il n'y a pas de, d'artifice, il n'y a rien du tout. C'est enregistré dans le studio et c'était en, là, en live. C'était dans l'émission numéro 158. Nous recevions le groupe Birmingham et le morceau que nous écoutons encore s'appelle Best of Me. Juste après, on va écouter Chaos avec dans l'émission numéro 165 un titre qui s'appelle Jerry et encore après, les Roller Coasters avec Next Destination, et c'était dans l'émission numéro 128. Despite every day, was hiding power. never felt today so alive. Selling them to you then sometimes, but I never miss my way home. Meet each other on my way. Want you to make with me part of the way. Really wanted to stay. Sika avec le morceau Enjoy. En plus, c'est une version un peu particulière. C'est la version qu'elle m'avait apportée, Jess, le jour où elle est passée dans l'émission Eureka. Donc, c'est pas tout à fait la version définitive. En attendant, ça fait du bien d'écouter aussi cette version-là. C'est le titre Enjoy. Juste avant, c'était les Roller Coaster. En direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour l'émission numéro 128 avec un morceau qui s'appelle Next Destination. Et juste après, on va écouter le groupe Passion Z avec My Best Enemy. Et on va écouter aussi le morceau qu'on écoute toutes les semaines pendant l'été. Il s'agit des Sugar Baby Loves avec Only Love. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Eureka. Should be. Jesus. You kiss the flowers that send pollinate this world so well. avez déjà remarqué, mais à chaque fois que vous faites quelque chose qui vous plaît, c'est l'impression, on a vraiment l'impression que le temps passe très vite. C'est comme ça ce vendredi soir sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. 3 heures d'émission et on est déjà dans la 3e heure bien entamée. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. On vient d'écouter les Uncle Biker avec Bad, Juicy and Blue. On va continuer avec un autre groupe qu'on aime bien dans l'émission Mavrika. On écoute assez souvent. Il s'agit du groupe Chili Dogs, un morceau qui s'appelle You Know. La Méditerranée, la route migratoire la plus mortelle du monde, c'est le constat de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Thank you. Le groupe Drive to Amnesia sur Radio Arc-en-Ciel avec Better Live. Et juste avant, c'était les Chili Dogs avec You Know. Juste après, on va écouter le slow de l'été, le slow de l'été 2023. Le groupe Prisma avec No More Tears. Voilà, c'est sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika tous les vendredis soirs. On écoutera ce morceau-là parce que c'est le slow de l'été, hein, je vous le dis. Hein. Donc écoutez-le bien, vous allez voir, vous allez tomber amoureux rapidement. Voilà. Juste après, on écoutera Chartel avec Seul dans mon pull, Dérapade avec Dérapade, et puis après, voilà, on sera bien avancé et l'émission sera pratiquement terminée. J'ai encore des morceaux à vous faire écouter avant la fin, donc on prendra le temps de les écouter jusqu'à la fin. Voilà, c'est parti. Le groupe Prisma avec No More Tears. No tears.

t'y refaire le chemin avec mes propres enfants. La maison de mes grands-parents au lavoir de la Font à Blanc. Depuis 30 ans ont passé avec mon grand-père et le chien. Le rendez-vous des soirs d'été, le pèlerinage quotidien. Marcher jusqu'au petit plan d'eau, observer les animaux. Tant que les grenouilles seront, je resterai petit garçon. Petit garçon. Ça fait un sacré effet. Avec eux d'y retourner. Le temps passe, mais les grenouilles, elles y sont restées. Mais ça pique à l'intérieur, c'est hier, c'était le bonheur. Marcher jusqu'au petit plan d'eau, observer les animaux. Tant que les grenouilles y seront, je resterai petit garçon. Petit garçon. Acoustique avec les grenouilles, un morceau qui était enregistré dans les studios de Radio Arc-en-Ciel lors de son passage. Et puis on espère le retrouver très bientôt. Stéphane, on passe un très bon moment avec lui à chaque fois qu'on le reçoit dans l'émission d'Africa. En tout cas, cette émission se termine bientôt. Hein. On va continuer avec encore deux bons artistes. Deux bons, quand je dis deux bons, c'est plusieurs. Hein. C'est pas seulement deux. Voilà. Alors, je suis en train de regarder les artistes que j'ai prévus pour la suite. On va écouter le groupe La Jarrie avec un morceau qui s'appelle Charité Business, et juste après ça sera le groupe Narcos avec De Derry au Belfast. Vous êtes sur Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica. J'en donne aussi. des années que nous sommes opprimés et que nous avons le droit que de nous écraser. À mon âme et conscience, ma décision est prise. Ça fait bien trop longtemps que l'on nous méprise. arrive à la fin de cette émission numéro 564. Hein, déjà, hein, ça passe vite. Hein, le temps passe très vite. Hein, une émission par semaine depuis plus de 13 ans. Maintenant, donc l'émission Mavrika, c'est tous les vendredis soirs à partir de 19h. On est ensemble jusqu'à 22h. Et la plupart du temps, pas en ce moment, parce que c'est la summer émission, les émissions de l'été. Et après, on recevra des invités, comme bien entendu, dans l'émission Mavrika. Le 1er septembre, nous recevrons Alex Lebaille. Il viendra ici nous parler parce qu'il y aura des concerts. Et puis en ce moment, on le voit pas mal à l'affiche de pas mal de concerts. Hein. Donc il viendra nous en parler pour la rentrée au mois de septembre. Donc on arrive à la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un très bon moment. En tout cas, la playlist de tous les morceaux que vous avez pu écouter dans cette émission se trouve sur le Facebook de l'émission Mavrika. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Il y a plein de photos, il y a plein de choses à voir dans ce Facebook. J'essaie de le tenir à jour assez régulièrement. Vous pouvez nous écouter aussi sur radio-arc-en-ciel.com. Voilà, vous pouvez nous écouter partout dans le monde. Hein. Il n'y a pas d'excuses sur la région rolandaise, c'est 96.2 MHz, vous le savez. Mais si vous partez en vacances, par exemple, vous pouvez l'écouter n'importe où. Il n'y a aucun souci. Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Donc, et il nous reste encore un morceau à écouter, un morceau qui est prévu. C'est le groupe XTV. Alors, le groupe XTV, je vais essayer de retrouver le titre parce qu'il est un petit peu compliqué. Alors, voilà. Alors, ça s'appelle Braces, Scabs and Broken Bones. Voilà, j'ai réussi à le dire. On arrive donc à la fin de cette émission. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine. Et rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission numéro 565. Et en attendant, on va dire des phrases magiques. Que le rock'n'roll soit avec vous. Une vie sans musique serait une erreur. Est une erreur, déjà, hein, c'est même pas serré, hein, c'est carrément, on en est sûr. Hein. Et puis, everything is gonna be alright. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, je voulais remercier tous les auditeurs, je voulais remercier tous ceux qui ont mis un petit j'aime sur le Facebook de l'émission Mavrika, il est encore temps d'en mettre, hein, de toute façon. On va remercier aussi notre ami Florent, voilà, on a un petit contact à la fin de cette émission pour dire, t'es là, je t'ai écouté, moi, je pense à toi aussi. Florent qui fait les podcasts de l'émission Mavrika et que vous allez pouvoir retrouver très bientôt. Parce que je partagerai ces podcasts. Voilà, le bruit que vous entendez, c'est la clim parce qu'il fait très chaud dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et si on met pas la clim assez fort, ben la console se sent un petit peu mal de temps en temps. Il n'y a pas que la console, il y a aussi les bonhommes. Voilà, on va se quitter donc avec XTV. Voilà, cette émission Mavrika se termine. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez, ciao. Splinter up. Pelo Sporting. Estás-me a ler o pensamento e, portanto, isso é muito perigoso. Dentro de um minuto vou ouvir o José Nunes. É um pontapé livre. Facto é verdade. A equipa do Casa Pia já esteve um bocadinho em baixo, agora não. Soma a levantar lá para dentro da grande área. Quem aparece? Rigo.